À ce moment, une voiture arrive sur le parking, les pneus crissent, les deux portières avant s'ouvrent. Non ! Non ! Non ! S'écrie une voix de femme indignée. Non ! Puis un cri déchirant retentit à travers la forêt. Sébastien et Julien respirent fort. De grosses gouttes de sueur froide apparaissent sur leur front. Ils tremblent de tous leurs membres et regardent avec effroi en direction du parking. Des secondes horribles passent. Puis une voix dit « Vous venez d'entendre la pièce policière « Cri de mort » avec Nadine Bernard et Michel Leblanc dans les rôles principaux. Et maintenant, les informations régionales. Il est 15h. Vous écoutez Radio Auvergne. La police a réussi à arrêter dans la région de Garabit-Grandval un braconnier recherché depuis longtemps. Les policiers, prévenus par un garde-chasse, ont très vite retrouvé l'homme qui chassait en période interdite et déposait depuis des mois ses ordures illégalement dans la forêt. Isabelle, la jeune fille disparue depuis quelques jours, est rentrée chez ses parents au puits. Elle est en bonne santé. D'après la police, les raisons de sa disparition sont encore inconnues.